Chapitre 2e. Il y a quelques mois, je traversais Salzbourg allant à Ischl. Une journée que je passais là en promeneur, en dilettante, m'en apprit plus que bien des livres. Pas plus que la nature, ses quartiers et ses monuments n'ont changé. Tout y est comme Mozart l'a vu au temps des grandes existences épiscopales. Plus de 20 églises ou chapelles dans cette petite ville et des tours, des coupoles, des flèches. Vous diriez une forêt. Le marbre abonde, le cuivre aussi, et sur toutes ces cimes globes et croix étincelles au soleil. Puis ce sont de riches hôtels, des maisons qu'on prendrait pour des palais, des places qu'égaye une architecture du midi. Quand du haut du Kapuzinerberg, votre œil embrasse cet ensemble à la fois riant et superbe, vous vous croiriez déjà en Italie. Et combien l'impression va devenir plus grande, plus profonde, si du dehors vous pénétrez au dedans, si vous voyez s'ouvrir devant vous la cathédrale, les franciscains, Saint-Pierre, si dans ces cœurs, sous ces dômes, le culte catholique célèbre pontificalement ses mystères, si le long de ces colonnes, de ces murs enluminés de fresques, se déroule l'immense procession avec l'or de ses mitres, de ses crosses, de ses chasubles, la flamme de ses cierges, la fumée de ses encensoirs, le tonnerre de ses orgues. Tel fut le spectacle dont les pompes agirent sur l'imagination de Mozart Bambin. J'ai dit spectacle, c'était bien autre chose en vérité pour cet enfant qui venait là chercher son Dieu et le trouvait. Le doute, qui le lui eût appris? Quelle atteinte funeste aurait pu recevoir aux mains d'un père plein de foi cette âme croyante et pieuse? Longtemps après son mariage, il allait encore à la messe, et si le désaccord se fit, s'il vécut et créa en dehors du cercle d'une religion dont le sentiment ne l'abandonna jamais, il faut bien reconnaître en ce point l'influence sur son organisation très féminine du climat méridional dans lequel il était né. Voyez cette population, quel air de santé, de bien-être, quelle bonne figure respirant la joie d'être au monde. Comme on s'aperçoit tout de suite que ces braves gens s'occupent peu de métaphysique. L'Italie, par-delà les Alpes tyroliennes, leur envoie ses tièdeurs, ses baisers. Des vérités éternelles, ils croient honnêtement ce que la religion leur en enseigne, préférant d'ailleurs toute espèce de contingent à l'absolu. Ils ont la foi du charbonnier. Ne leur en demandez pas davantage, car plutôt que de discuter, ils seraient capables de vous répondre comme ce Chinois à un missionnaire. « J'ai tant d'affaires dans ce monde que je ne sais où donner de la tête. Comment diable voulez-vous que je trouve le temps de m'occuper de ce qui se passe dans l'autre ?» Jouir des biens de cette existence terrestre, toutes leurs préoccupations se bornent là, et encore ne peut-on appeler préoccupation ce qui, chez eux, n'est qu'élan naturel, instinct pur et simple. Les femmes, les jeunes filles, ont cette expression sensuelle, ce charme du regard, de la bouche, auquel l'homme du Nord aurait tort de se laisser prendre, car l'honnêteté, en somme, n'y perd rien. On veut bien vivre, entendre de la musique, aimer et le reste, mais sans préjudice porté aux premières croyances, sans démérite ni scandale. Voilà le sang dont était Mozart, la chair dont il fut pétri. Né à Salzbourg, il y vécut la plus grande partie de sa vie jusqu'à 26 ans, pour aller ensuite habiter Vienne, c'est-à-dire un Salzbourg en grand. Cependant, le poème de la flûte enchantée était complètement terminé. Schikaneder, faisant droit aux réclamations du musicien, avait 10 fois modifié, remanié sa pièce. Mozart débordait d'inspiration. Il travaillait toute la matinée, dînait à midi avec son directeur et quelques jolies princesses de théâtre, la Reisinger par exemple, qu'il destinait au rôle de Papagena. Puis, après une première étape, et quand on avait bu déjà et ri plus que suffisamment, les femmes se levaient comme en Angleterre, et le maître, continuant à se griser, entamait avec son librettiste la question des airs et des duos. Schikaneder devait jouer Papageno, et Mozart lui soumettait à mesure chaque morceau du personnage. « Que penses-tu de ce duo ?» lui dit-il un jour, en s'asseyant au clavecin avant de se mettre à table. « répondait Schikaneder. « Je n'en ai pas grande idée. Beau, si tu veux, mais trop savant, beaucoup trop savant. » Mozart déchire la page et n'ajoute mot. Tout à coup, au milieu du dîner, il se lève, court à la chambre voisine, et presque aussitôt revient avec une nouvelle esquisse. Schikaneder prend, regarde, et toujours mangeant et buvant, « Même défaut, répète-t-il, trop d'art, de recherche, tâche donc de faire plus simple, plus populaire. Tiens, comme dirait ce que je chante. » Et, la bouche pleine, il fredonna quelques ponts neufs viennois. « Bravo, j'ai ton affaire !» s'écrie Mozart, qui de nouveau s'escrime et touche juste cette fois. Mozart achevait le final de son premier acte lorsqu'il apprit qu'une scène rivale se préparait à donner un opéra sur le même sujet. Cela était intitulé « Le Sistre enchanté » et fut représenté le 6 juin 1791 au théâtre de Leopoldstadt, qui faisait à l'entreprise de Schikaneder une désolante concurrence. La musique était de Wenzel Müller, l'auteur populaire du Moulin du Diable. Vienne raffolait alors de ses féeries où, dans le miroir grotesque de la caricature, défilaient et se heurtaient pêle-mêle toutes les idées à la mode, chevalerie, sorcellerie. Qu'on se figure ces parodies à grand spectacle auxquelles nous assistons aujourd'hui, mais avec la pointe voulue d'idéal et de romantisme, avec cette nuance d'ironie qui fait que par instant, vous ne savez plus trop s'il faut prendre la chose au plaisant ou au sérieux. Tant à ces pantalonnades vient se mêler de poésie vraie, d'humaine observation. Je ne dirais pas « c'est du caviar pour les basses classes, c'est du Shakespeare ». Et puis, quelle différence entre les deux musiques ? Ici, nous acceptons, bail que bail, la ritournelle qu'on nous débite, des refrains de tabagie, de honte motive, puis encore l'obscénité des paroles que ces coq-à-l'âne remplacent. Là-bas, c'était des émanations, à travers les siècles, du génie musical d'une race originellement douée, la fleur des Alpes et des Carpates, des leaders ramassés à poignées dans le chant national par des hommes ayant, comme Dietersdorf, Wenzel Müller, un tel art d'appropriation qu'on se demande aujourd'hui si ce sont eux qui ont emprunté cette musique à la tradition populaire ou si ce n'est point plutôt la tradition qui la leur a prise. Un véritable orchestre de kermesse, de chansons qui jaillissent du cœur, des valses à tout entraîner, des ballades tantôt d'un comique ébouriffant à la Falstaff, tantôt naïvement rêveuses, tantôt empreintes des terreurs du surnaturel. On pressent à la fois Schubert et Weber, le premier un peu prosaïque, un peu bourgeois, comprenant davantage l'eau qui fait aller le moulin, le courant leste et clair où voyage la truite entre deux rives de gazon émaillé, l'autre, plus entraîné vers le merveilleux, plus romantique, et préférant au ruisseau de la belle meunière la grotte de cristal des Ondines et des Nyx. Si jamais vous visitez Vienne, ne manquez pas d'aller voir à Leopoldstadt le Moulin du Diable. L'ouvrage ne se joue plus guère que de loin en loin, et pour l'ébattement des populaires et des enfants, ce qui n'empêche pas les gens distingués et raisonnables d'y trouver leur plaisir par occasion. Ce Moulin du Diable, avec ses chevaliers bardés d'armures retentissantes, ses troubadours élégiaques, son coquin de meunier, qui par manière de passe-temps a tué sa femme, avec ses sacs de blé qui se trémoussent, son casserole pantin gruélique, qui au dénouement s'envole en l'air à cheval sur son baudet, ce Moulin du Diable fait un spectacle des plus divertissants. Musicien ambulant, violoneux de tréteau, moins artiste que rhapsode, mais dans sa trivialité d'une veine intarissable, car elle se renouvelle aux sources vives. Wenzel Müller a composé de la sorte plus de 100 féeries où passe par moments je ne sais quel souffle romantique. Vous diriez alors du Shakespeare traduit en allemand des faubourgs de Vienne. Le bonhomme composait du reste dans toute la simplicité de son âme. Il écoutait, se souvenait, content de transcrire et d'arranger pour le plaisir des autres ses trouvailles qui lui plaisaient. Il secouait sa large manche et les notes par milliers en tombaient, féerie, impromptu, Wiener Possen. Sur le tard, la renommée de Mozart l'importuna. Toujours simple et naïf, il ne se l'expliquait pas. « Comment se peut-il faire, disait-il, que le monde tienne en pareille estime un homme qui, après tout, n'a jamais composé que cet ouvrage, tandis que moi j'écris plus de 200 opéras, sans compter des monceaux de musique religieuse ?» En attendant cette productivité, dont l'avenir devait si médiocrement savoir gré à Wenzel Müller, ne laissait pas que d'être pour Mozart une cause grave de découragement. Le sistre enchanté fut donc donné à Léopoldstadt, et tout vienne aussitôt d'accourir battre des mains aux décors neufs, aux mille trucs de la mise en scène, aux incomparables lazzi d'un certain bouffe nommé Laroche, espèce de deux bureaux parlant et chantant, dans la peau duquel semblait s'être incarné le Pierrot local. 125 représentations constatèrent urbi et orbi l'immense valeur du chef-d'œuvre, dont pas un grain de poussière ne subsiste désormais. Volontiers Mozart eut renoncé à la partie. Schikaneder tint bon, comprenant qu'un théâtre comme le sien, qui dans les hiérarchies de l'époque pouvait avoir l'importance que nous attribuons par exemple à telle petite scène du boulevard, comprenant qu'un pareil théâtre ne pouvait entrer en lutte ouverte avec Léopoldstadt, il chercha quelques combinaisons nouvelles qui lui permit de donner à sa pièce un intérêt autre que celui des changements à vue et du spectacle. La féerie, toutefois, fut maintenue à cause de l'engouement du quart d'heure. Néanmoins, se borner à travestir les personnages, à modifier les situations, les accessoires, ce n'était point assez. Suffirait-il pour donner à la vogue une impulsion dérivative de faire du Kasper de la farce viennoise un oiseleur tout de plume habillé, de changer en flûte le basson grotesque si applaudi chez le voisin, de métamorphoser le tigre du texte originel en un serpent qu'on fixerait en manière de queue aux choses du prince Tamino, lequel, ô sainte naïveté de l'art à son enfance, en ayant l'air de se sauver, traînerait après lui le monstre attaché à ses pas. Raisonnablement, tout cela serait-il de nature à passionner les multitudes? L'honnête Schikaneder en doutait. Il aurait pu se demander si d'aventure le collaborateur auquel il avait instinctivement fait appel et qui se nommait Mozart n'accomplirait point à ce propos quelque miracle. Mais on ne s'avise jamais de tout, et d'ailleurs, alors, comme de nos jours, il demeurait bien entendu qu'en matière d'opéra, la question de la pièce devait passer avant celle de la musique. M. Aubert, avec cette ironie qu'on lui connaît, a dit « Pour bien réussir, il faudrait qu'un opéra pût être donné le premier soir sans la musique. On jouerait d'abord la pièce, purement et simplement, puis, le surlendemain, on y glisserait quelques morceaux et, peu à peu, le public s'acclimatant ainsi, on arriverait, vers la 15e représentation, à supporter toute la partition. » À Vienne, et du temps de Mozart, les choses déjà se passaient de la sorte. Schikaneder, malgré tant de belles paroles pour vaincre les résistances de son collaborateur, sentait qu'en cette affaire, les responsabilités pesaient toutes sur son poème et que la musique, quoi que fît Mozart, ne viendrait jamais dans le succès qu'en seconde ligne. Aussi, comme il travaillait, cet inventeur, comme il se creusait la cervelle à chercher l'idée attractive, argenteuse. Tant d'efforts eurent leur récompense, et comme ses adeptes, qui, cherchant la pierre philosophale, préparèrent la chimie moderne, cet entrepreneur aux abois, qui ne pensait qu'au moyen de gagner des écus, mit la main sur une idée que la musique allait élever au rang des chefs-d'œuvre. Je veux parler de cette introduction de l'élément maçonnique à laquelle Schikaneder, croyant répondre à certaines préoccupations sociales et politiques du moment, eut recours en désespoir de cause. L'époque était à la philanthropie. Les idées d'avenir, de réforme, d'amour de l'humanité, empruntaient au passé certaines pratiques mystérieuses faites pour amuser, pour endormir cette société frivole qui, à ses bals de cour, à ses chasses, à ses concerts de castrats, trouvait plaisant d'entremêler le surnaturel, ne se doutant pas du sens fatal caché sous cet appareil de mesmérisme et de sorcellerie, ni des formules, des signes cabalistiques mis en œuvre pour allier entre eux dans une révolutionnaire connivence tous ces diseurs de bonne aventure, apôtres et tireurs de cartes. La figure de Cagliostro restera comme celle d'un représentant très curieux de ce mysticisme relevé d'ironie où tous les esprits du siècle se laissèrent prendre. Schikaneder, ravaudant le tissu grotesque de sa pièce, remaniant ses personnages l'un après l'autre, se retrouvait en présence de Sarastro, le tyran de son mélodrame, lorsque tout à coup l'idée lui vint de faire de ce tyran, de ce monstre, un grand prêtre de la sagesse. Un ami de l'humanité, idée merveilleuse à laquelle l'antique Égypte allait incontinent prêter ses temples. le culte d'Isis, ses collègues de prêtres, de sorte que, sans mettre l'ordre maçonnique en collision avec les pouvoirs politiques, sans risque d'encourir les censures et les interdits des partis réactionnaires, on aurait pour soi l'immense attraction de l'idée partout dominante. Bientôt la sombre erreur sera dissipée, bientôt l'esprit de sagesse triomphera. Ainsi, du commencement à la fin, s'exprime par la bouche de ces initiés, de ces génies, de ces demi-dieux, cet ouvrage étrange, singulier, qui, d'abord conçu dans les proportions d'une féerie de tréteaux, devait, grâce à l'un de ces hasards qui président aux grandes créations, devenir le chef-d'œuvre le plus idéal, le plus pur de Mozart. Qu'on ose en ce cas médire des petites causes. L'homme qui suscite une partition telle que la flûte enchantée rend un service impérissable à l'humanité et mérite que tous ceux que l'art passionne et moralise bénissent son nom à travers les siècles. Goethe, qui s'y connaissait quelque peu, a écrit « Il faut, pour apprécier la valeur de tels ouvrages, plus d'intelligence et de talent que pour s'en égayer. » Comme l'auteur de Werther et Faust, comme Lessing, Herder, Wieland, comme cette multitude d'esprits auxquels les institutions du passé ne suffisaient plus et qui, dans l'honnêteté de leur conscience, auraient voulu voir les circonstances répondre à l'idéal qu'ils avaient en eux, Mozart était franc-maçon. Ses rêves de fraternité, de bonheur universel, parlaient à sa belle âme, à sa nature, métaphysique moins résonante que sensitive, et qui, toute remplie d'aspirations inassouvies, trouvait son bonheur à vivre en communauté de dessein, de tendance, avec un cercle d'esprit cultivé, frère du sien par la moralité, la grandeur des vues, sinon par l'illuminisme créateur. On remarquera en passant une lettre à la date de 1787 qu'il écrivait à son père, déjà souffrant et déclinant. « Je n'ai pas besoin de vous dire quel vif désir j'ai de recevoir de vos nouvelles, et combien j'espère qu'elles seront bonnes. Quoique je me sois fait l'habitude de ne spéculer que sur le pire en toute chose. » La mort n'étant à bien prendre que le terme de notre existence, je me suis, depuis quelques années, tellement familiarisé avec cette véritable amie des hommes que son image, loin de m'épouvanter, me console, me rassérène, et je ne saurais assez remercier Dieu de m'avoir mis à même, vous me comprenez, n'est-ce pas, de la considérer comme la clé de notre véritable félicité. Jamais je ne me couche sans songer que peut-être, si jeune que je sois, il ne me sera pas donné de voir se lever le jour du lendemain, et cependant, je ne suppose point que personne de ceux qui me fréquentent m'en trouve plus soucieux ni plus mélancolique. C'est au contraire pour moi une félicité dont je bénis incessamment mon Créateur et que je souhaite du fond de l'âme à tous mes frères. » Quelque idée qu'on puisse avoir de l'influence qu'exerça sur Mozart cette initiation au mystère alors très significatif de la franc-maçonnerie, qu'il crut voir dans ses dogmes nouveaux des vérités plus hautes et plus pures, ou qu'il ne s'agit à ses yeux que d'un simple enseignement moral, il n'en est pas moins vrai que son âme y trouva le calme, la quiétude, cette paix de Dieu plus haute que tout l'entendement des hommes. Et c'est là, en somme, le point important pour nous, qui n'avons à juger de ce qu'il ressentit que parce qu'il en a exprimé dans ses pages immortelles. Religieuse en son essence est en effet cette musique de la flûte enchantée. Elle a la foi, l'amour et respire, de sa première note à la dernière, je ne sais quel sentiment de mansuétude infinie, de céleste apaisement. J'ai donné acte à Schikaneder du mérite de l'invention. Peut-être me suis-je trop hâté. Peut-être l'introduction de ce principe métaphysique si merveilleusement développé par Mozart fut-elle due non à l'initiative géniale de l'impresario Riemayer, mais à une prescription de la loge transmise par un choriste affilié, Robert Gizek. Ce qu'il y a de certain, c'est que par son à-propos, la chose devait réussir, même alors qu'elle n'eût pas inspiré à Mozart ce chef-d'œuvre, et rien ne me prouve que ce ne soit pas le sens caché sous les paroles, bien plutôt que la beauté de la musique, qui ait tout d'abord entraîné le succès. Le nouvel empereur Léopold venait de proscrire les francs-maçons. À ce successeur réactionnaire du trop libéral Joseph II, toutes ces théories modernes déplaisaient fort. il n'y voyait que machine de guerre contre son droit divin, complot révolutionnaire. C'était assez pour émouvoir le public en faveur des francs-maçons, et pour que de son côté l'ordre s'évertuât à dissiper les préventions répandues contre lui par ce qu'on appellerait aujourd'hui le parti clérical. Il court des bruits étranges sur ses prêtres, sur leurs faux esprits. On se dit à l'oreille que quiconque s'affilie à leur ordre est aussitôt damé d'âme et de corps. Ainsi, cherchant à le faire jaser, parlent à Papageno les trois dames. Même évidence d'allusion dans une réponse de Tamino à une demande de ce genre. Propos soufflés à des commères par des fourbes. Comment Mozart fut amené à se mêler à cette discussion? Comment son génie et ses convictions les plus secrètes l'y invitaient? Nous le savons maintenant. Et nous comprenons aussi quels accents devait évoquer un pareil génie dans ces antiques sanctuaires d'Isis, dont il franchissait le seuil en initié des temps nouveaux. Dès le final du premier acte, on se sent transporté dans un monde épuré et supérieur. À l'appareil théâtral, décoratif, au mouvement d'une féerie succède le calme religieux du temple, la rêverie abstraite en contemplation devant l'universelle harmonie des êtres et des choses, la méditation du sage promenant quelques sentences augustes à travers ces salles sacrées dont le bruit de ses pas réveille seul les muettes profondeurs. In diesem heiligen Hallen. Partout, allégorie et symbolisme. Ces trois adultes, ces éphèbes, sont des génies, les génies de la vertu commis à la garde du jeune prince qu'ils admonestent, édifient. Et le prince lui-même est un type de l'homme tendant vers le bien, la perfection. Y arrivant à travers les combats, les épreuves, et recevant enfin sa récompense dans la bien-aimée Pamina. Maintenant qu'au théâtre tout ce mysticisme puisse ennuyer, que toutes ces épreuves ne présentent qu'une froide et monotone allégorie, je ne le conteste point. Mais j'en renvoie la faute à qui de droit, et je passe outre, sans me préoccuper davantage des bévues du librettiste ou des réclamations de cette partie du public qui ne veut qu'être amusée. Si vous me dites qu'il y a des spectacles plus divertissants, je le croirais. La psychologie ne plaît généralement pas à tout le monde, à moins qu'il ne s'agisse de quelques romans libertins. De même, il y a des tableaux, des ouvrages plus amusants que la Transfiguration de Raphaël, que les dialogues de Platon, ce qui n'empêche pas le Phédon, lu à son heure, d'avoir son prix, et la Transfiguration de mériter quelques égards. Ce n'est point le hasard qui fait que je cite ces deux chefs-d'œuvre à propos de la flûte enchantée. Un jour, M. Sainte-Beuve imagina d'écrire au bas d'un sonnet, en manière d'avis au lecteur, « Il y faudrait de la musique de Gluck. » De la musique de Gluck à un sonnet de M. Sainte-Beuve, pourquoi cela? L'auteur estimait-il que son sonnet, étant sans défaut, valait à lui seul un long poème de Quinault ou de Bayet de Proulet? On ne l'a jamais su. Impossible par contre d'écouter cette idéale partition de Mozart sans penser à Platon, sans être frappé, comme dans le tableau de Raphaël, de cette opposition du groupe terrestre qui s'agite en bas et du groupe transfiguré qui plane en haut dans la pure lumière. Après ce premier acte, qui marche sur le sol réel, où ravissant de grâce, de distinction, d'enjouement, la musique semble ne respirer, ne répandre autour d'elle que les ivresses, les chansons de la vie, voici tout à coup, avec l'entrée des trois génies, des accents d'un monde supérieur. Elle m'apparut vêtue de la plus splendide couleur, modeste et décente, ceinte de pourpre et parée selon qu'il convenait à son jeune âge. Ces paroles de la Vita Nuova vous affluent aux lèvres et, comme Dante apercevant pour la première fois Béatrice, vous vous écririez volontiers à la sensation dont vous pénètrent ces trois voix de soprano ne formant en quelque sorte qu'un son filé d'un rayon de soleil. « Ecce Deus fortior me veniens dominabitur mihi. » Les Italiens d'autrefois n'écrivaient l'opéra seria que pour des sopranos, des ténors, des voix aiguës, comme si les tonalités élevées pouvaient seules convenir à l'expression du sublime musical. En multipliant dans son ouvrage les parties de soprano à ce point de rendre l'exécution si difficile, Mozart n'a-t-il fait qu'obéir à cette loi, ou plutôt, sa propre clairvoyance ne lui a-t-elle pas démontré que nulle voix plus que le soprano n'était de nature à rendre ces idées de pureté, d'élévation, de vérité éternelle qui forment le thème psychologique dégagé par lui de l'espèce de chaotique rhapsodie offerte à son imagination? La seconde entrée des génies porte également ce caractère surnaturel, séraphique, admirablement exprimé par ses traits de violon d'une suavité telle qu'on dirait des battements d'ailes sur les cordes. Mais c'est surtout dans l'introduction du second final qu'éclate et rayonne en sa plénitude cette splendeur du divin. L'instrumentation de ce trio vous plonge dans le ravissement. On se sent l'âme inondée d'une lumière douce, bienfaisante. On a comme l'idée d'une vision du paradis dantesque traversant l'âme d'un Fénelon. Ce qui semblait devoir n'être qu'allégorie devient la réalité la plus charmante et ces adorables génies, comme les anges de Raphaël, ne touchent au surnaturel que par leur nimbe, car pour le cœur, ils sont humains, mais d'une humanité épurée, sublimée. Il n'eût certes tenu qu'à Mozart de faire ici du romantisme, son sujet même l'invitait à la fantasmagorie. Weber, Meyerbeer, Mendelssohn, à sa place, n'eussent peut-être pas résisté à cette tentation d'agir sur les sens de leur public, de l'entraîner aux régions de Callot et de Hoffmann, d'écrire, au lieu d'une musique purement psychologique, une musique fantastique et machinée. Mais l'idéaliste Mozart conserve jusque dans le merveilleux ses relations avec la vie réelle. D'ailleurs, lorsque son propre tempérament ne l'en eût pas tenu éloigné, le monde des esprits, avec ses terreurs, ses angoisses, n'était point ce qu'il fallait au public de cette époque. Superstitieux et sensuel, n'aimant point à retrouver au théâtre les épouvantes du confessionnal, et voulant au contraire s'y réjouir gaiement de la comédie de l'existence, le bon Viennois s'arrangeait bien mieux du spectacle de quelque conte oriental accommodé à sa guise, au gros poivre et aux confitures, et qui lui représentait, sous des couleurs grotesques, drôlatiques, la vivante ironie des mœurs locales. Qu'importe à Mozart les invraisemblances, pourvu que ces personnages vivent, pourvu qu'ils aient une âme humaine en rapport avec la condition élevée ou infime qu'ils leur attribuent. Tamino est un jeune seigneur, ému de toutes les aspirations du XVIIIe siècle, un cœur sensible et vertueux, brûlant des plus nobles flammes pour la vérité. De plus, tendrement épris de la belle Pamina, une princesse de racine égarée dans un conte de fées. Quant à ce fripon de Papageno, ne vous fiez pas à l'apparence, et ne voyant lui, malgré ses plumes d'oiseau, qu'un franc viennois jovial et bavard, ne demandant qu'à trouver le vin bon, les femmes jolies, et pourvu d'une ample dose de cette sentimentalité qui, de bas en haut, caractérise le vrai fils de la patrie allemande. J'arrive à Sarastro, l'apôtre de sagesse, de clémence, ne rêvant, ne cherchant que le bien universel. Cette figure solennellement imposante, quoique cependant toute humaine, est encore relevée par des fonctions sacerdotales qui, bien qu'indéfinies, nous le montrent par moments sous un aspect presque divin. Il faut entendre la musique de Mozart évoquer autour de ce vieillard auguste la sérénité morne des sanctuaires, l'investir d'un idéal de majesté, comme elle a su investir les trois génies d'une nimbe séraphique. Tout ce que l'esprit des siècles est parvenu à connaître de la science divine et humaine, la grande âme de Sarastro se l'est appropriée. Ses trésors amassés pour l'enseignement moral de ses semblables, il les fait servir sans relâche à rapprocher l'homme du Très-Haut. Et comme, ni sur ses intentions, ni sur ses moindres actes, l'égoïsme n'eut jamais de prise, comme rien n'émane de lui qui ne vienne de la source pure de vérité, sa figure a revêtu avec le temps quelque chose de l'éternel et du divin. Le divin n'étant en dernier terme que l'humain dans sa beauté, son harmonie originelle. Mozart, comme Raphaël dans sa troisième manière, ici n'individualise pas, il crée des types. Ces personnages ne sont plus des caractères dramatiques mais des symboles, des idées. Pour l'ardeur et la générosité des sentiments, la pureté, l'irrésistible élan, nul prince de tragédie n'égalera jamais Tamino. Aucune de ces princesses malencontreuses, dont parle la correspondance de Voltaire, qui furent jadis retenues dans des châteaux enchantés par des nécromants, aucune héroïne romanesque ne saurait, pour sa candeur, sa tendresse, sa foi, être comparée à Pamina, et Sarastro n'a pas besoin de parler en sentence pour être, à mes yeux, le moraliste et le sage par excellence. La musique où son âme sublime s'épanche peut se passer de paraphrases. Dans les génies s'incarnent les idées de religion, de vertu au XVIIIe siècle, et le couple Papageno nous représente, mari et femme, le peuple de l'époque, avec son sensualisme naïf, son esprit gouailleur et bon enfant, où l'émancipation trouvera plus tard des germes à féconder.